Le public américain trouvait un puissant intérêt dans les moindres détails de l'entreprise du Gun Club. Il suivait jour par jour les discussions du comité. Plus d'un an a laissé couler entre le commencement des travaux et leur achèvement. Les préparatifs de l'expérience, les détails précis d'exécution en constituaient alors le véritable intérêt. Un seul homme, un seul, dans tous les États de l'Union, protesta contre la tentative du Gun Club. Et Barbicane fut plus sensible à cette opposition d'un seul qu'aux applaudissements de tous les autres. Ce rival était un savant comme Barbicane, un pur Yankee. On le nommait le capitaine Nicholl. Il habitait Philadelphie. Il attaqua très violemment les travaux du Gun Club. Il publia un nombre de lettres que les journaux ne se refusèrent pas à reproduire. D'abord, Barbicane fut très violemment attaqué dans ses chiffres. Puis Nicholl prit la question sous d'autres faces. Sans parler de son inutilité à tous les points de vue, il regarda l'expérience comme fort dangereuse. Car il ne fallait pas engager la sûreté de tous pour le bon plaisir d'un seul. Mais il était seul de son opinion. Aussi, personne ne tint compte de ses malencontreuses prophéties. Et il n'enleva pas un seul admirateur au président du Gun Club. Il proposa donc publiquement, dans l'Enquirer de Richmond, une série de paris conçus en ces termes et suivant une proportion croissante. Il paria, premièrement, que les fonds nécessaires à l'entreprise du Gun Club ne seraient pas faits, $1,000. Que l'opération de la fonte d'un canon de 900 pieds était impraticable et ne réussirait pas, $2,000. Qu'il serait impossible de charger la Columbiad et que le pyroxyle prendrait feu de lui-même sous la pression du projectile, $3,000. Que la Columbiad éclaterait au premier coup, $4,000. Que le boulet n'irait pas seulement à 6,000 et retomberait quelques secondes après avoir été lancé, $5,000. On le voit, c'était une somme importante que risquait le capitaine dans son invincible entêtement. Il ne s'agissait pas moins de $15,000. Malgré l'importance du pari, le 19 mai, il reçut un pli cacheté d'un laconisme superbe et conçu en ces termes. Baltimore, 18 octobre, tenu. Barbicane.